Directement des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les palmarès C'est Fou. Hey, bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 20 au 26 juillet 2007. Mon nom est Mathieu Plante pour 3 heures de musique comme ça que vous aimez. C'est la musique la plus populaire de C'est Fou. C'est les futurs succès ailleurs. C'est votre bonheur incarné, je dirais. Toujours mieux qu'un nom, l'incarné. Nouveauté cette semaine du côté francophone, Tricot Machine et Plasticine. Et du côté anglophone, Joel Plaskett, Emergency, Symphony X, National Parks et Bradley. Un paquet de très très bonnes pièces. Les numéros 1 de la semaine dernière, c'était Air avec Mère du Japon du côté franco. Et en anglo, c'était Los Campesinos avec We Throw Parties, You Throw Knives. On commence tout de suite par nos nouvelles entrées. Bradley avec Girl on TV. Et tout de suite, voici Plasticine avec la règle du jeu. Au palmarès, c'est fou au 89.fm. Like Oui. Je veux que tu sois la fille qu'on voit à télé, gars. Ouais, the girl with the girl with the TV. Encore une fois, quel lien. La 15e position anglophone Bradley avec Girl on TV de l'album Pink Pill Program. C'est une nouvelle entrée sur nos palmarès cette semaine et c'est très bon. Ben, j'allais te le demander parce que ça me disait rien. C'est drôle parce que c'était le coureur de la semaine dernière. Ah, ben voilà. L'émission que j'ai manquée. C'est ça. Juste avant, c'était la 15e position francophone Plasticine avec La règle du jeu. Nouvelle entrée aussi de leur EP à 4 titres. L'album vient tout juste de sortir et il sera en exclusivité à C'est fou 89.1 à l'émission La chanson coureur de vendredi prochain. Ah, oh, c'est excitant. Très, très hâte de voir ça. Si tu veux, tu peux courir un peu, aller chercher une feuille là-bas. Ouais, ben en fait, je pensais m'étirer pour aller en chercher une. Ben, t'as des longs bras, mais dessus quand même. Il y a des limites à tout. Hein, plus tard, pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire que plus tard, on va entendre notre coureur de la semaine cette semaine qui est Artist of the Year avec Rec La Discothèque, qui est d'ailleurs dans notre rotation de nouvelles musiques de fond que vous entendez en ce moment même. Et il y a aussi la pile de haute définition, c'est-à-dire les vieux classiques de C'est fou. On va entendre du Télémac, du Paul Émile Bazar, sûrement du Dead Cab for Cutie. Un paquet d'affaires comme ça va être génial. Ouais. Et tu vas être là. Ben oui, je vais être là. Je suis ici jusqu'à la toute fin de l'été. C'est bien, Caroline Cloutier qui vient de se joindre à moi comme ça. Effectivement, je vais faire un tour une fois à l'occasion et ça donne que cette semaine, ça donne. Est-ce que tu m'annonces les 14e positions, s'il te plaît? Oui, 14e position. Côté anglo, on va aller entendre National Parks avec Border Patrol. Mais juste avant. Côté franco, Turco Machine. C'est avec, oui, avec leur pièce L'Ours. Et on va... aussi une nouvelle entrée. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Hey, nos numéro 1 la semaine dernière, c'était du côté francophone Air avec Mère du Japon. Uh-huh. Et du côté anglo, c'était Los Campesinos avec Youthful Parties. Youthful Parties, Youthful Knives. Et pour savoir si ça reste, il faut rester jusqu'à la fin. Oui. Mais tout de suite, voici la 14e francophone, c'est Trico Machine et L'Ours. Assez-vous 89 FM. La radio campus de Trois-Rivières. Ouais. J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Puis son cœur. Je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoot. Et l'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche. Mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche. Et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la pâte, on avance. Dans l'allée d'un champ et d'un shooté. Un doux mélange de romance et de démence. Quand le ferme a tiré. Ain't got no control. 785 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 785 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. To the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. A 5, 5, 5, 5, 5, 5. Wiggity, wiggity. Back our homes. Wiggity, wiggity. Wiggity. We leave the bones. Wiggity, wiggity. Wiggity, wiggity. We lay the roads. Wiggity, wiggity. We walk like the weather. We feed on the feather. We drum down the road somehow. It's the highway that I beat alone. Five. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. Five. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. Five. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. A 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Beat my drums beat my down to Mexico. To Tijuana. Tijuana. Here I go. Beat my drums beat down to Mexico. To Tijuana. Here we go. Beat my drums beat my down to Mexico. To Tijuana. Tijuana. Here I go. Beat my drums beat my down to Mexico. Cause the Border Patrol ain't got no control. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat alone. A 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. We pack our homes. Wiggity. We leave the bones. We lay the roads. We walk like the weather. We feed on the feather. We drum down the road somehow. We'll beat and roll with every drum. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. 5. Beats to the marching band, the rhythm is strong. 7 and 5. It's the highway that I beat along. A 5, 5, 5, 5, 5, 5. We walk like the weather, we feed on the feather, we drum down the road somehow. On sort notre hache. Ouais, et notre tente. Et nos chaises de camping. Un ours de tricot-machine. Ah, ben voilà. Ouais. Ouais. Mais on espère que l'ours ne rôde pas proche de nous. C'est un bloc à thème, dans le fond, quand on y pense. Mais oui, mais oui. Et un bloc qu'on aime, en tout cas. Moi, je l'aime bien. Ouais. Assez niaisé. On vient d'entendre la pièce Border Patrol de la formation National Parks. C'est la nouvelle entrée en 14e position anglophone. Oui, et puis, tout juste avant, on avait entendu, justement, Tricot Machine avec la pièce L'Ours, d'où le joli lien. C'est ça. Mais oui. On est hot pour ça, des liens, toi et moi. Ben, plus toi, je te dirais. Moi, je préfère un lien en te disant sûrement que je vais aller camper demain. Ah, mais ben oui. Mais c'est plus ou moins musical comme thème. Du camping estival, j'espère que la météo va être de ton côté. Je crois qu'après les deux belles journées de pluie qu'on vient d'avoir, il y a annoncé gros soleil en fin de semaine. On va le faire du camping à Valcartier pour aller au village des sports le lendemain. J'espère que nos amis du jeudi nous entendent et se disent qu'il y a eu de la pluie aussi le jour d'avant. Peut-être que ça va arriver. Ça arrive tout le temps de même, tu sais. Je me dis, il faudrait pas parler de météo, puis la reprise a la même météo que l'émission originale de 6 jours auparavant. Mais c'est sûr que si on dit que de la pluie, il y a bien des chances, parce qu'on a l'air parti pour ça cet été. Exactement. Mais jusqu'à maintenant, l'été, c'est ça, il est pas très chaud. Hein? Non, tu vois, aujourd'hui, j'ai une veste. C'est ça. Donc, on a parlé de météo. On a parlé aussi tantôt, entre nous deux, de ponctualité. Oui, on a parlé de ponctualité en disant que moi, je me sens terriblement mal quand j'arrive en retard. Et pourtant, souvent, le monde chez qui j'arrive en retard ont même pas remarqué que j'étais en retard. C'est juste normal pour eux, on dirait. Ouais, ou encore des gens que moi, j'attends et que je m'attends à ce qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils arrivent en retard. Moi, ça me fait horriblement... Je dirais pas le mot, mais vous devinez ce que je veux dire. Je pense que ça dépend de l'éducation des gens, mais... Ouais. Il y a des gens comme ça qui la ponctualité n'est pas importante pour eux. Et comment dire, juste même y aller, en général, c'est pas important pour eux. Ouais. Ils font juste des fois pas venir. Ils se pointent pas, là. C'est ça, c'est le fun, ça. Oui, moi, oui. Aussi le fun que, je dirais, des gens qui sont super humains. Ils ont une force super humaine. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est pas libre, ça, je pense. Ouais. 13e position, par exemple. Je pense que c'est encore un... Un lien. Ouais, qui sort de ta tête comme ça, là. T'es brillant, Mathieu. C'est comme ce soir, mettons, tu sais, il y a des gens qui sont super humains, il y a des gens aussi qui vont être séduits par, par d'autres gens, peut-être par ces super humains-là. Ouais. Et ça, ce serait Symphony X. Oui, absolument. Avec Eve of Seduction. Ouais. On se croirait à Eros et compagnie. Ben presque, presque. Ou à une autre émission du type Histoire du X, là. Histoire du X. Ouais, pas mal sûr que ça existe. Sûrement. Ou sinon, on va faire ça pour la dernière demi-heure d'émission. On va consacrer ça à la sexologie. Ouais, ouais. Pendant qu'on écoute Polype avec Super Humain au palmarès. C'est fou. 89.1. Down. Symphony X. Yeah. Yeah, ça rock. Ça rock en masse avec Eve of Seduction, la nouvelle entrée en 13e position anglophone. Et on avait entendu tout juste avant, Superhumain, de Polype. Ça, c'est super bon. Descente de deux places, par contre, une pièce qui a fait son petit chemin, le 8 semaines, c'est long quand même. On s'attend à ce que dans quelques semaines, ça va s'en aller. Oui, mais c'est quand même la plus ancienne du palmarès présentement. Oh, c'est la plus vieille? Oui. Wow, majeure. Oh, grosse nouvelle. Presque aussi ancienne que la position numéro 9 anglo, on va l'entendre tantôt. Surprise. J'ai hâte de voir ça, moi. Ça va être très, très bon. D'ici la fin de l'émission, on va avoir un paquet de bonnes musiques aussi du Fort Pier, du Los Campesinos. Oui, on va entendre aussi côté franco, Jacques Mort, les Goules, Pépé. Tous des succès. Beaucoup de bonnes musiques. Que de hits au palmarès, c'est fou, tous les vendredis soirs de 17h à 20h et les jeudis de 14h à 17h. C'est votre rendez-vous qui ouvre votre fin de semaine avec de la bonne musique. Ouais, et qui ferme aussi la semaine. Oui. Ouais. C'est ça. Généralement, quand la semaine se termine, c'est le week-end qui commence. Et quand le week-end se termine, c'est... la semaine qui commence. C'est ça. C'est bizarre, fin de semaine, puis la fin de semaine, puis la fin de la semaine, puis... Ouais. Ça marche pas vraiment. Non, c'est pour dire... Plus tard, prochaine intervention, on va parler des ailleurs dans le palmarès, c'est-à-dire qu'on va vous dire ce qui s'est le plus écouté dans le top électronique, le top 10 loud, le top 3 des 10 canadiens. Oui, ainsi que le top 30 des albums. Tout plein d'informations à vous donner dans les oreilles. Et le courant de la semaine, et le bloc en haute définition, et un paquet de plaisir d'ici la fin. Mais tout de suite, voici du côté anglophone, Joel Plaskett Emergency avec Fashionable People, précédé de... Des prostitutes, goûte mon bubblegum. Les palmarès, c'est fou! Allez, chérie, goûte à mon bubblegum. Ah oui, bébé, pas c'est vrai que ton homme. Ah non, chérie, mets pas la conne. Je te passe en bouche au wingum. Ah, mets ta bouche, je veux que tu goûtes. Goûte, goûte à mon bubblegum. Mon bubblegum, il y en a plus where that came from. Va dans ma poche si tu vas être du fun. Des bonbons roses de toutes les formes. Un boule moule, un boule de gomme. Amène ta bouche, c'est que tu goûtes. Goûte, goûte à mon bubblegum. Surtout pas le recracher, ouais. Tu peux pas dire que t'aimes pas ça. Retour, Joel Plaskett Emergency et les hand claps au palmarès. C'est fou. Too much. You look Polish. Got a wicked sense of humor. I feel dizzy, and I want your touch. Let's get tipsy and start a rumor. Feel restless here. I can't sit still. Everybody at this party's got their fingers in the till. I bet their parents are ridiculously loaded. Let's get moving before I'm loaded. The dancers need a dance floor. The swingers got a swing. Fashionable people doing questionable things. Your boyfriend too. Do you think he'd understand? I can't remember how we ended up out here, but all good things have got to start somewhere. The dancers need a dance floor. The swingers got a swing. Fashionable people doing questionable. Hitch a ride for free. The dancers need a dance floor. The swingers got a swing. Fashionable people doing questionable things. Looking just like magazines. Fashionable, fashionable, fashionable people. That's what I'm talking about. Joel Plaskett, Emergency avec Fashionable People. Oui, et j'aime ça finalement. Moi aussi, Joel Plaskett. Je ne connaissais pas, tu vois, c'est une nouvelle entrée. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça comme moi, mais j'aime beaucoup. Exact, il y avait eu Drunk Teenager sur les palmarès de C'est Fou il y a quelques temps. Et ça se ressemble beaucoup. C'est un style, Joel Plaskett. Ouais, mais un style qui s'écoute très bien, je trouve. C'est très, très bon. Très musique d'été de voiture. Ouais, c'est vrai. Et juste avant, c'était du côté francophone, les Prostipitons. Ouais, goûte mon bubblegum. Qui, elle, descend de 4 places, alors que Joel Plaskett, c'était la dernière nouvelle entrée cette semaine dans nos palmarès. Ouais, effectivement. On est rendu à presque nos 11e positions, mais avant, tournons tous la page ensemble. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling, gling. Et regardons ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les néophytes, qu'est-ce que c'est les palmarès, premièrement? Ben, les palmarès, c'est non seulement les 15 positions anglo et franco, mais c'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens, ainsi que le top 30 des albums. Commençons par les nouvelles entrées du top 10 électronique. Oui, nouvelles entrées. En fait, ben, il y en a juste une. Puis c'est artiste varié. Nope. Abstract Boundaries, volume 1. Ouais, volume 1. Volume 1, en tout cas. Volume 1. Ouais, voilà. Troisième position, remontée de 2 places pour Victor Berman avec Arriving at Night. En deuxième, remontée d'une place pour The Secret Meeting avec Ultra Shiver. Et en première, c'est Stab, 4e semaine de présence pour Ab Ovo avec Mouvement. Mouvement. Ouais. Mouvement. Côté loud, nouvelle entrée, Job for Cowboy. Genesis. Ouais. Et puis, troisième position, qui était deuxième la semaine dernière, c'est King Diamond avec Give Me Your Soul, Please. Ouais, oh, s'il te plaît, donne-moi ton âme. Il se revient d'abord, puis il fait son genre de cri diabolique. Deuxième position, Megadeth avec United Abominations. C'est aussi très, très... Ouais. Et ce qu'on a entendu tantôt, première position, qui était aussi première la semaine dernière, Symphony X avec Paradise Lost. Ouais, il est 5 semaines dans le top loud et maintenant il se réveille et entre dans le vrai palmarès. Ouais, voilà. Tout à l'heure, on fera le top 3 des 10 canadiens et le top 30 des albums, mais avant, retournons à notre page précédente et nos palmarès tout à fait standards. La 11e. On oublie le petit signal. 11e position anglophone, c'est Buffalo Tom avec Three Easy Pieces, mais tout de suite, voici... Voici les hand claps avec Christy. T'applaudis pas avec moi? Ah. C'est les hand claps, faut t'appeler ouais, les mains. Ouais. Au palmarès, c'est faux, 89.1. FM. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche et chiche. Chacun son échec. Check. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et choc. Électrochoc, je me choque. Maybe, maybe, oh baby, oh maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Maybe, maybe, oh baby, oh maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Plastique et chic. Chiche mon pastiche et chiche. Chaud est mon chapeau, chamois. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Buffalo Tommy, Three Easy Pieces au Palmarès des Fous. Uh-huh. Oh yeah. Et juste avant? Juste avant, c'était les Hand Claps avec Pastiche. Oui. C'était nos 11e positions. Si on regarde un petit peu les positions qui ont changé, remontée de 2 plus 2 pour Buffalo Tom et puis moins 6 pour les Hand Claps. On les applaudira pas là-dessus, je pense. Non, c'est ordinaire. Peut-être une autre pièce 2 un jour, on sait pas. C'est quand même un groupe à succès. Je pense que ça a fait son temps. Ça a fait quand même combien de semaines? 6. Pas super. Ouais. C'est moyen. Je pense que c'est le standard des pendants. Ouais. Si on regarde le reste, 5, 4, 2, 7. Ouais, ça tourne autour du 6, 7 ouais. en moyenne. Puis après 8, de bons stands. C'est ça, après 8, c'est rendu le top de l'année. Ouais, c'est ça. Ça finit dans la rétrospective de l'année. C'est ce qu'on dit toujours, 8, 9, 10, 11, c'est ouais. un gros festin familial. Fait que ce qui voudrait dire que Polyp aurait des chances de se retrouver là. J'aimerais ça, moi. Ouais. On s'arrête entre les... on est rendu déjà à nos 11e positions. C'est pas mal la fin de la première heure. On va regarder un petit peu ailleurs dans les palmarès ce qui se passe pour le top 3 des disques canadiens. Tiens, aucune nouvelle entrée? Non, je te dirais que c'est assez stable, même si c'est les trois mêmes que la semaine dernière. C'est même les trois mêmes positions. Quelles étaient-elles? Troisième position, Ford Pier avec Organ Farming. Mm-hmm. Deuxième position, Two Hours Traffic avec Little Jabs. Et première position, Metric avec Grow Up and Blow Away. Du côté du top 30 des albums, quelques nouvelles entrées vers la fin. En 30e position, on retrouve Another Year in Philadelphia de A Study in Her. En 29e, c'est Percy Farm avec The Ends in the Beginning. La 28e, c'est The Russian Futurist avec Me, Myself and Rye. Oui, absolument. Et puis, le numéro 3 de ce même top 30, Klaxons avec Myth of the Near Future. Deuxième position, The Answer avec Rice. Et toujours première position, comme le top 3 des disques canadiens, Metric avec Grow Up and Blow Away. Ça remonte d'une place. Oui, effectivement. On a oublié, je crois, les 12e et 13e qui étaient nouvelles aussi. Bradley avec Pinkville Program et National Parks avec Timber Vision. Deux albums qu'on a entendus un petit peu précédemment au début de l'émission. Ouais. Voilà. On retourne à nos palmarès normales. Au même, non, je dis ça, puis je mens à travers mon ton chapeau. Mon nouveau toupette. Ah, mais oui. Tout frais coupé. Oui, parce que Mathieu s'est fait couper les cheveux. C'est fin. Regardons un petit peu. C'est l'heure du coureur de la semaine présenté par La Chance. Au coureur, mais oui. Hey! Et le coureur de la semaine cette semaine, c'est Artist of the Year avec l'album Wreck la discothèque. Si vous écoutez les palmarès depuis le début, vous avez remarqué que c'est la nouvelle rotation de fond derrière nous. Ouais. Leur nouvel album est absolument génial. C'est de l'électro un petit peu beaté, j'irais. Ouais. C'est vraiment pas répétitif, mais dans le sens que ça fait de très, très beaux fonds pour une émission. Mais comme musique, c'est aussi très, très bon. On va entendre une de mes pièces préférées de l'album. C'est la première pièce qu'on a entendue de cet album-là parce que c'était sur leur MySpace depuis quelques temps. Okay, voilà. En prévision de l'album Wreck la discothèque. Donc voici tout de suite Yeah, et puis on parlera d'eux au retour dans le bloc coureur de la semaine. Au palmarès, c'est fou, au 89.1. Sorry about that. Palmarès, c'est fou, c'était Artist of the Year avec la pièce I.E. Love, la dernière pièce de leur album qui s'appelle Wreck la discothèque. Et justement, c'était Yeah! Yeah! Alright, yeah. Alright, oh yeah, alright. C'est excellent, c'est Artist of the Year. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, allez voir le A-O-T-Y, artistoftheyear.ca. Ah. Hein, une chose que je l'ai dit. Hein. Oui. Ou myspace.com/artist, traitement of, traitement de, traitement year. C'est rempli de, d'informations là-dessus. Ouais. Donc, c'est leur nouvel album. Leur précédent, c'était Code Disco. Ils avaient aussi sorti le Gala en 2003. Ça va rouler à profusion à chaque semaine ici dans les palmarès. C'est fou parce que c'est eux qui font nos thèmes et nos fonds. Voilà, donc arrêtons d'en parler. Mais quand même, Artist of the Year, pour plus d'informations et pour écouter La Chance au coureur, allez voir le www.unechance.com. C'est le site. Et sais-tu un autre truc à plugger, Mathieu? Mm-hmm. Si vous voulez nous rejoindre en studio, oui, le numéro de téléphone est le 819-376-5183. Nos assistants sont assis sur leur chaise à attendre votre appel. Votre appel est très important pour nous. Veuillez patienter. Voilà. On vous mettra de la musique d'Artist of the Year pour faire appel. Voilà. Donc, c'est la fin de la première heure. On a à peine assez de temps pour résumer ce qu'on a entendu depuis le début de la première heure. Je vais faire le côté franco. Ouais, OK, vas-y. D'accord. 15e, nouvelle entrée Plastine avec La Règle du Jeu. 14e, Tricot Machine avec L'Ours, nouvelle entrée. En 13e, Descente de 2 pour Polype et Superhumain. 12e, Descente de 4 pour Goutte à mon Bubblegum des Prostiputes. Et 11e, Descente de 6 pour Pastiche des End Claps. Côté anglo, 15e, nouvelle entrée Bradley avec Girl on TV. Nouvelle entrée également, je vais arrêter de le dire parce que c'est la même chose pour 14, 13 et 12, toutes des nouvelles entrées. Donc, 14e, National Parks avec Border Patrol. 13e, Symphony X avec Eve of Seduction. 12e position, Fashionable People de Joel Plaskett, Emergency. Et 11e position, Three Easy Pieces de Buffalo Tongue. Dans la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, vous allez entendre The Brick, Jacques Maure, Les Amis au Pakistan, Olinéa. Maximo Park, Fort Pier, Shit Disco, Two Hours Traffic, entre autres. Tout ça dans la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, 89.1. Bonjour et bienvenue dans la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 20 au 26 juillet 2007. Mon nom est Mathieu Plante, le sien, je vais vous dire, là, c'est Caroline Cloutier. Fait que surprenez-vous pas de l'entendre tantôt. Hein? T'es en train de finir un bonbon. Donc, deuxième heure des Palmarès C'est fou, vous allez entendre, entre autres, Corrigan Fest, The Brick, Jacques Maro, Linéa, Les Amis au Pakistan, Two Hours, Traffic, Shit Disco, Maximo Park, Fort Perry, Pride Tiger. Tous de grands succès de C'est fou qui se montent eux-mêmes vers le sommet dans les prochaines semaines. Donc, peut-être de futures vedettes interprovincial et national. Interprovincial et interradiophonique. Inter, c'est fou, je pense. Ouais, ben ouais, peut-être. Inter Radio ouais. Campus. Mm-hmm. C'était-tu bon ton. Ouais, c'est très bon. Un reason. C'est pas de reason de manquer ça. There's always a good reason for a reason. Et voilà. Ah, voilà. Et voilà. Tout de suite, voici nos 10e positions du côté anglophone. C'est Pride Tiger avec une pièce de leur album The Lucky Ones qui se nomme Let Him Go, mais avant. Mais avant, Corrigan Fest avec la victoire en chantant. Gagnons tous et chantons tous le fait qu'on gagne. Ouais. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Par-delà l'océan, au pied des Pyrénées, là-bas les maquisards résistaient dans la nuit et résonnaient encore les chants des insurgés. Oh, oh, oh, oh, la victoire en chantant. Oh, oh, oh, oh, la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le bout des larmes, ignore le bout du son. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Si ici on a faim dans les rues de la ville, là-bas ils torturent en prison et fusillent. Mais pour chacun de nous, c'est la même misère. Et partout la famine a ce goût de colère. D'Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes répondent à l'appel des résistants d'Espagne, venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne libre que l'armée a trahi. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Reste nos idéaux. Allez, pac, pac, si la nuit est tombée sur une chance dans tout l'Espagne a croulé. Il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. L'entendu pas au loin, le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Fried Tiger. Avec la pièce Let Him Go. Comme dans Laisser aller, le jeu de. Pas le jeu de mots, mais. Ouais, la, mais genre, on a eu assez. On a compris. Soir, c'est ça. On est fiers, par exemple. Ouais, on est fiers comme un tigre. C'est ça, oui. Les tigres sont tout le temps fiers, c'est connu. Ouais. C'est un adjectif bien connu pour eux. Juste avant, c'était Corrigan Fest avec la victoire en chantant qui remonte de 4 positions, 3e semaine de présence. Leur album s'appelle aussi La Victoire en chantant. Par le fait même. Absolument. Comme des tigres. Je n'ai rien à rajouter. Moi non plus. Je n'irai pas trop loin avec ça. On est rendu à nos 9e position, mais avant de faire ça, retournons un petit peu vers la droite pour regarder ce qui s'est passé cette semaine au Canada. Oh! Oui, parce qu'il y a des albums qui se vendent, ils appellent ça des CD. Okay? Des CD de musique qu'ils appellent. Tu peux les acheter pour genre une 10-15aine de piastres. Dans un magasin de CD. C'est ça, un détaillant qui appelle. Ah! Un centre d'achat, peut-être aussi. Ouais. Donc, regardons les disques les plus vendus pour la semaine qui se termine le 19 juillet selon Nielsen SoundScan. 24e position, Bad Religion avec New Maps of Hell. Hein? En 10e position, Ill Scarlet avec All Day With It. 5e, Interpol avec Our Love to Admire. Ensuite, excuse-moi. Très bon. Interpol, très bon. Je le recommande. Je ne connais pas du tout ce band. Ah, ben, tu devrais tenter ta chance de découvrir. Je trouve que ça s'écoute super bien. Tu veux dire que je devrais aller sur l'Internet? Ouais, pour peut-être découvrir écouter ça. Interpol. C'est ça. Ouais. Mais peut-être que si je vois sur Internet, ils ne seront pas là. Interpol. Ouais. Interpol, là. Oh, oui. Troisième position, Rihanna avec Good Girl Gone Bad qui remonte d'une place en deuxième remontée. Voyons, descendre, qu'est-ce que je fais? Descendre d'une place, c'était l'ancien numéro 1, Bon Jovi avec Lost Highway. Et le numéro 1 est une nouvelle entrée, c'est les Smashing Pumpkins ou les Smashing Pumpkins avec Zeitgeist. Très beau nom d'album, je le sais. Zeitgeist. C'est le numéro 1 du côté des albums canadiens les plus vendus. Mmh. On se retourne pour faire le top des musiques, comme on appelle, les plus téléchargées sur Apple iTunes. 5e position, Hurricane Chris avec A Baby. En 4e, Timbaland avec The Way I Are. En 3e, Fergie avec Big Girls Don't Cry. En 2e, Umbrella de Rihanna. Et en première, c'est encore une fois Plain Whitey's avec Hey There Delilah. Oh, tu excuseras ma déception. Pourquoi? Tu voulais Rihanna en première? J'imagine. Non, c'est juste parce que c'est pas... Parmi les plus téléchargés, il y en a comme 3 super connues et pas nécessairement bonnes. Mm-hmm. Et 2 qui disent absolument rien. Ton éducation sur la musique pop poche manque un peu, hein? Ouais, mais là, Timbaland, genre... Ouais. Oh. Justin Timberlake et Timbaland, ouais. C'est tout le temps les mêmes affaires. Non, mais je pense qu'il y avait un featuring de Justin Timberlake, ouais, sur une des tunes. Je pense que c'était... My Love, genre. Je sais pas. C'est poche. Je pense que Timbaland est gros. Il est quoi? Il est gros? Ouais. Es-tu en train de parler de son physique en mal? Non, mais je voulais comme dire que c'est la différence entre les deux, c'est que Timbaland est gros. OK. OK. C'est correct? Ouais, je vois. Ouais. L'autre, il est... pas gros. Ben, il est beau. L'autre, non? Ben, je sais pas, je m'appelle juste qu'il est gros. Je vais te laisser faire. Si on fait le temps. Voici Cendrillon, lave le poil, attention! Hey! Hein? Fais-moi donc une béchamel! Des amis au Pakistan, au palmarès, c'est fou, au 89.1. FM. Caroline, à parlant mal. De cannelle et miel, chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. Je suis la maîtresse de ma cuisine. T'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le poêle. C'est toi qui mets à guiner sur le poêle. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, tape à l'oublier de laver le chiffon. Le plancher, je le serre à quatre pattes. Le plancher, elle serre à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, la sponge dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Occure-toi en anglais, ma crise. un linge à vaisselle pour me mouiller à la besogne. Au Pakistan avec Cendrillon lave le poil au palmarès c'est fou et je vais comme toujours remercier les gens qui ont l'esprit ouvert assez pour écouter les palmarès c'est fou des fois c'est difficile je comprends t'sais. Ouais ben disons que ça rentre pas nécessairement dans mes cordes mais des cordes de guitare ouais comme dans Maximo Park ouais comme les filles qui jouent de la guitare t'essayais-tu de faire un jeu de mots hey elle commence à apprendre des jeux de mots hot. Les palmarès c'est fou 365 days watching me decay. We used to talk about girls who play guitars. We used to talk about plans in tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb up on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause for 1 minute. It's her. Excess just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass 1 minute. It's her bed and you're living with your friend. Don't you know how much that hurts? You could pretend and I wouldn't know. I could be who you wanted in the dark. She goes out, she gets drunk. She gets off, she goes so she gives in. She goes out, she gets drunk. She gets off, she goes so she gives in. It's her life and her life. Oui, descendre de 6, Mathieu. Ah. Descendre de 6 pour Maximo Park avec leur pièce Girls Who Play Guitar de leur album, dont j'aime beaucoup dire le titre, mm-hmm. Our Earthly Pleasures. Our Earthly Pleasures. Ouais, c'est un délice sur la bouche. C'est ça, c'est un comment t'appelles ça? C'est un tongue twister. Ah. Une tornade buccale. Ouais. C'est une tornade okay, buccale. OK, ouais. OK, juste avant, c'était Les Amis au Pakistan avec leur maintenant classique, je crois, Cendrillon lave le poil de leur album Espace Libidinal, la pièce où il faut avoir un espace ouvert dans votre cerveau pour ouais. apprécier. Ça prend du temps, des fois. Ouais, mais disons que c'est pas conventionnel. Non, c'est une pièce, c'est un novelty. Quoi? Novelty, ça veut dire quelque chose que, qui est bien ben le fun pendant un petit bout. Puis là, ben, à un moment donné, ben, le facteur nouveauté s'estompe et puis ça devient un petit peu ennuyant. Mais quoi? C'est quand même la 7e semaine que c'est là. Donc, j'imagine que le facteur nouveauté est encore là. Tout à fait. Ça me surprend que ça dure aussi longtemps pour une pièce aussi originale et unique. Mm-hmm. D'un groupe tout aussi original et unique. On est rendu à nos 8e positions, c'est-à-dire Jacques Maure et Ford Pierre. Plus tard, on va faire quelques petits classiques de C'est fou. Ouais, des petits retours dans le temps avec l'album Poilu. L'album Poilu, dont je me rappelle jamais le nom de l'artiste. Je vais vous dire Majesty ça quelque chose, j'y regardais tantôt. Ça, de Majestic 12, l'album s'appelle Schizophrenology. Je mets ça sur le dessus de la pile pour qu'on le joue en premier, c'est toujours le fun. Et puis plein d'autres plaisirs plus tard, des discussions profondes sur des sujets d'actualité. Là, oui, absolument. Très intelligente, très poussée, très... enrichissant. Informative, c'est ça, enrichissante. Ouais. Vous allez en sortir beaucoup plus intelligent d'ici la fin de la journée. C'est certain. On est avec vous jusqu'à 20h les vendredis soirs, jusqu'à la dernière porte à gauche avec M. Kiwan. Mm-hmm. Et les jeudis, ben, on est là jusqu'à 17h avec les amis de Hockey Nouvelle qui présentent du franco vieux jeu old school. Mais tout de suite, voici Jacques Maure et leur pièce sublime, je dirais. Feu follet. Au Palmarès, c'est fou, 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Là. Du soir, sans trop savoir, je ne sens suivre un chemin. Celui des hasards, des coups du destin. Tu m'as souri, Jésus, que tout était bien. C'était le début de la fin. Comme un feu follet, la force de son nom. Qui s'allume, se consume et s'endort dans ses seins. Sous-titrage Société Radio-Canada.

Robert Peer avec de l'album Organ Farming, leur pièce Employed, qui est en 11e position la semaine dernière et s'est remontée en 8e. Donc, si on compte, ça fait environ 3 pièces. À peu près 3 remontées, genre 3 positions. Ça. Et non, tu n'es pas le seul à aimer ça. Parce que Mathieu Ordon me disait qu'il pensait qu'il serait le seul à aimer ça. Mais je trouve ça super bon. Hein? C'est accessible, tu trouves? Moi, je trouvais que c'est un style particulier, très canadien. Ça. Ouais, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne se tanne pas à entendre. Je trouve que ça dure quand même 6 minutes, mais je trouve que c'est pas 6 longues minutes. Ça passe. Ouais. Moi, je les compare souvent aux Bare Naked Ladies, je trouve. Ben, je connais les Bare Naked Ladies de nom, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils font. It's All Been Done. If I Had a Million Dollars. Donc voilà, ça c'était notre numéro 8 anglophone. C'était précédé de la 8e position francophone. Oui, Jacques Mort avec Feu Follet qui a une remontée de 7 places quand même. C'est pas mal du tout. Ça non plus, je me tente jamais, hein, Jacques Mort. À chaque semaine, j'ai hâte d'entendre Jacques Mort. Ouais. Je me garde un peu, tu sais. J'attends, je l'écoute pas pendant la semaine, tu sais. Puis là, ben, je me garde le vendredi. Schnack! Comme ouais, du Jacques Mort! Marie! Puis eux autres aussi, ils font des longues pièces, Jacques Mort. Ouais. Donc, on est rendu à nos positions numéro 7. Ça avance tranquillement, pas vite. On est à peu près au point de la mi-chemin de nos palmarès, c'est fou pour la semaine du 20 au 26 juillet. Ouais, il est pas mal 6h30, c'est pas mal ça. Non, pas c'est mal quoi, la mi-chemin. 6h30, ça fait quelle heure le jeudi si tu traduis maintenant? Ça fait 15h30. Ouais, 3h30. Parce qu'on rappelle aux gens, on est en direct le vendredi soir, toujours le party du début de fin de semaine. Là, c'est comme le party pogné en place. Ouais, absolument. Il y a tellement de monde ici en studio, j'en reviens pas. La chasse-galerie est remplie. Ah, wow, absolument. Malade. C'est ça. Donc, comme je disais, vendredi soir en direct de 17h à 20h, comme ça, toutes les semaines, et en rediffusion les jeudis après-midi de 14h à 17h. C'est votre party de pré-party de fin de semaine. Absolument. C'est le week-end, le fin de semaine de la semaine. Ouais. Et puis, je vais continuer. Moi, je suis la plugueuse, moi. Là, tu pluguais la rediffusion. Plugant, je vais pluguer le numéro de téléphone en studio si vous voulez nous rejoindre en direct le vendredi soir. C'est le 819-376-5183 et aussi le site internet si vous voulez voir les positions qui ont déjà joué. Si vous voulez aussi consulter ce qui a passé à la chance au coureur et aussi à la connexion, c'est le www.unechance.com. Et si vous voulez nous écouter en direct et que vous n'avez pas la radio, vous n'êtes pas à Trois-Rivières, vous êtes ailleurs, vous êtes à Guelph. Ouais. Vous allez sur le www.cif.ca et vous cliquez sur le big button jaune en haut à droite le de big votre button écran. Jaune. It's big, it's a button, it's yellow. Ah, fait que là, tu parles en anglais pour ceux qui sont à Guelph. C'est ça, okay, exactement. Ouais. À Guelph, c'est ça, ils parlent toutes les langues là-bas. Hein? Quand même. Et puis, les gens qui nous écoutent de l'école de français. Oui, absolument. Big yellow button, top right. OK. Sif.ca. Et puis, vous êtes ready to go. It's clear, yeah. It's clear. Let's go. C'est malade. Absolument. On est rendu It's crazy. It's crazy. What? It's CFOU. CFOU. Dans le fond, c'est fou, ça veut dire c'est crazy. Oui. Demented. Là, on est rendu à nos 7e position. Arrêtons de divaguer pendant des heures et des heures comme ça, comme on fait toujours. Allons on est bon entendre. Là-dedans. On est bon là-dedans. On aime ça, on s'amuse. Oui, absolument. Quand je dis party, là. Ouais. Ben, pour nous, ça en est un. C'est ça, on placote. Ouais. Mange des Weason. Absolument, c'est un party reason. On flatte le disque de Majestic 12 qui est en petite fourrure rose. Ouais, le disque doux et poilu. 7e position anglophone, c'est 2 Hours Traffic avec Nighthawks, mais tout de suite. Tout de suite, Olinéa avec Lame de fond. Dans les palmarès, c'est fou, 89.1. FM. La radio campus. De Trois-Rivières. C'est tout. Jusqu'à tantôt. Ah oui. On termine tantôt. Ok, okay, cool. Ouais. Okay. It's clear. Very clear. Sombre et ses bras de toi pour te couler. Tu es la pole. Foncez, vous enfoncez sans arrêter. Face à face, les yeux fermés. Souris de t'avoir les embarrés. Face à face, tes yeux fermés. Yes. perplexité. Tu l'as pas. Tu lis bien le pacte, aussitôt désarmé. Un face à face, les yeux fermés. Tu laisses la place se décider. Tu donnes les cartes sans rancher. We'll be right back.

Kung Fu! Pas besoin de prendre une photo dans le miroir pour se rendre compte que c'est Shit Disco avec I Know Kung Fu de leur album Kingdom of Fear. C'est la position numéro 6 anglo, remontée de 6 positions. Même que je dirais que c'est une montée parce que je pense qu'elle a jamais été aussi haut que ça. Ah, et puis, côté franco, une belle remontée aussi pour The Brick. Avec toi. Ça fait bizarre un peu. Ouais, ça fait bizarre. Tout comme les personnes qui prennent des photos sous le meilleur angle pour avoir l'air beau, mais qui ne sont pas en fait. On se parlait de Do You Look Good, ouais. MySpace, Facebook, les folies passagères sur Internet où les gens rencontrent des personnes du sexe opposé et ou autre. Je pense pas qu'il y ait d'animaux encore sur Facebook, mais ça va venir. Donc, les gens qui prennent leurs photos sur le seul et unique angle où ils ont l'air potentiellement potable. Avec un ombrage assez présent dans la face ou qui met l'accent plus sur le corps que sur la face. C'est ça, sur leurs autres têtes. Ouais, c'est ça. Non! J'ai allumé après l'avoir ri. C'est ça, c'est un genre de blague à délai. Ouais. Et puis, il y a les gens qui sont de Look Good, qui sont dans le top 1, mettons. Ouais. Qui sont pas nécessairement très beaux, mais c'est juste parce qu'ils sont VIP et ils ont mis quelques photos osées. Voilà. Ouais, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Je suis encore membre là-dessus. Puis, c'est le fun d'aller voir une fois de temps en temps s'il y a des gens que tu connais là-dessus qui font un fou d'eux d'eux-mêmes là-dessus. C'est génial. C'est tellement une belle place. C'est le fun. C'est ça. Ben oui. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, l'émission qui vous fait redécouvrir ou découvrir la musique qui était la meilleure pendant la semaine au complet sur C'est fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Et qui, en même temps, vous fait divertir l'esprit. C'est ça. Par nos belles blagues et nos belles discussions enrichissantes. On raconte des choses le fun, des fois de même. Ouais. On s'amuse. C'est la fin de notre deuxième heure côté musique. Ouais, absolument. Pour les vrais palmarès, les positions 10 à 6. On passe à notre Minou, on en parle depuis tantôt. Oui, le Minou rose, le beau disque poilu. The Majestic 12. Magic Sticks. Majestic 12. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris le principe, c'est qu'on a reçu un CD, ça fait des mois de ça. C'est une boîte bien normale avec un groupe quand même bon. Et puis, leur album est recouvert d'une genre de peau de mopette. De fourrure synthétique rose. C'est ça. On dirait que, je sais pas, ça doit être la cousine d'Elmo. Ah! Avec des mèches oranges. Ouais. Était à la mode. Donc, le groupe, c'est The Majestic 12. Le groupe, leur album, pardon, s'appelle Schizophrenology. Voilà. Mm-hmm. Et la pièce qu'ils ont eue sur notre palmarès, parce que là, faut mettre les choses au clair, là. C'est l'heure du bloc en haute définition. Hein? Parce que les gens, il faut faire une petite transition pour eux. C'était comme pas clair. It wasn't very clear. It's not very clear. Not at all. Donc, c'est des vieux classiques qu'on a passé assez fou depuis les dernières années. The Majestic 12 en font partie, étrangement, avec leur pièce « Thank God Everything on TV is a Lie ». Oh! Une chance! Je sais pas ce qu'on ferait, sinon. Non. On s'en va entendre ça tout de suite. Et plus tard, on va entendre dans le bloc qui va pas durer très, très longtemps. Je crois que même ça va être la seule pièce pour l'instant. C'est la pièce du bloc, hein? On en passera d'autres tantôt si on a le temps. Donc, voici tout de suite The Majestic 12 et Thank God Everything on TV is a Lie au Palmarès C'est fou, 89.1. La radio Campus! Trois-Rivières. Flattons le minou pendant ce temps-là. Aide-moi, oh, faites-le. Oui. Oh, c'est doux! C'est très, très doux! J'aime ça, gars, ça! Got to win the war on drugs for the sake of our society. Our future as a global force depends on our sobriety. Pornography corrupts us, it makes us less than pure. And if everyone found Jesus, all those fags would have a cure. If you don't support our president, you don't support our nation. Intelligent design is not just bullshit for creation. We don't assume you're guilty just because you're born black. And we're winning hearts and minds with every bullet in Iraq. God TV is a lie. stupid if you think that there's a God. If you're straight and white and male, you are the Lord of the Dominion. You were born as an oppressor with no right to an opinion. If you build it, we will burn it. Eating meat is murder. Agree with everything we think or be branded a deserter. We own the moral high ground for your freedom when it rings. A fetus and a baby are completely different things. God, everything on TV is a lie de la formation de Majestic 12. Majestic 12, tu vois, j'ai réussi à le dire cette fois-là. Bravo, oui. Ah, merci. Leur album, c'est Schizophrenology. C'était notre bloc en haute définition pour l'instant. On aura d'autres classiques plus tard, mais pour l'instant, c'est l'heure de terminer la deuxième heure des Palmarès. C'est fou. Absolument. Et on a entendu, Mathieu, côté franco, tiens, parce que j'ai fait l'anglo tantôt, donc je parle de franco maintenant. Parfait. On a entendu en dixième position la victoire en chantant de Corrigan Fest. Je trouve ça bon, c'est comme un flogging molly québécois. C'est vrai, hein? Ça ressemble beaucoup à Fagboy. Ensuite, on a entendu la pièce qui m'a un peu dérangé là, mon oreille musicale. Est-ce que c'était ta première fois à entendre Cendrillon Lavalepoing? Oui, mais pourtant, ça fait quand même 7 semaines qu'elle est en palmarès, mais je pense que je n'avais jamais remarqué. Tu sais, on plopotait par-dessus d'habitude. C'est possible. Ça arrive. Mais bon, oui, c'était Cendrillon Lavalepoing, elle de Les amis au Pakistan et non pas au Pakistan. Pakistan? Ouais, c'est comme Batiscan. La rivière Batiscan, ouais, c'est ça. Les amis au Pakistan, voilà. 8e position, Jacques Maure, que Mathieu semble beaucoup aimer. J'adore. Avec la pièce Feu Follet. 7e position, Olinia avec L'âme de fond. Et 6e position, The Brick avec toi. Du côté anglophone, en 10e position, c'était Pride Tiger avec Let Him Go. En 9e, Maximo Park et Girls Who Play Guitars. En 8e, Employed de Fort Pier. En 7e, Nighthawks de Two Hours Traffic. Et en 6e position, remontée de 6 places, c'était Shit Disco avec I Know Kung Fu qu'on vient tout juste d'entendre. I Know Kung Fu. Dans la 3e heure des Palmarès, c'est fou. Qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre, je vous dirai pas l'ordre. On va entendre, entre autres, La Baroque Machine, La Loi des Cactus, Pépé, Air et les Ghouls. Et du côté anglophone, The Klaxons, The Answers, Metric, Los Campesinos, c'est Megadeth dans la 3e heure des Palmarès, c'est fou, 89.1. Restez là! Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 20 au 26 juillet 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Caroline Cloutier. Troisième heure remplie de très, très bonne musique. C'est toujours la meilleure heure des Palmarès. Mais oui, c'est la meilleure heure parce que c'est, dans le fond, les cinq positions anglo, les premières positions anglo et les cinq premières positions franco. Donc, on imagine que c'est les 10 meilleures tunes de la semaine. Tout au complet? Oui, absolument. Il n'y a rien de mieux que ça? Non, c'est le best of the best. Ça, puis un petit sandwich à la crème glacée. Hein? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un Klondike, puis t'es seté pour la fête de semaine. Ah, oh, ce serait bon. Ah oh, oui. C'est parfait. Vous allez entendre dans cette troisième heure, entre autres, la loi des cactus, les ghouls, le pépé, Air, la baroque machine. Make it that, Metric, the answer of classins et the campesinos. Los campesinos. Los campesinos. Les claquements de doigts dans les micros, ça marche pas vraiment. Je suis absolument pas capable de faire ça. Non? Claquer les doigts. Non, je suis pas capable. Pas en tout, ça sonne pas. On va pratiquer ça pendant qu'on écoute notre prochaine position. C'est la cinquième francophone. Tout de suite, voici les ghouls avec Dimanche au palmarès. C'est fou! Au 89.1. FM. La Radio Campus. De Trois-Rivières. Ah. Sweet. On s'est gâtés, hein, c'est... Ben, c'est une gâterie non voulue. Non, c'est ça. Ouais. Indésirable. Voilà. Mais bonne quand même. Une autre pièce de Majestic 12 qui s'appelait... qui s'appelle Whispering. Whispering. Ça s'appelle encore Whispering. Ouais. Maintenant, on va aller vraiment entendre nos cinquièmes positions. Du côté francophone, voici les Ghouls. Avec la vraie pièce dimanche. Regarde ça, ils chantent, ça va être eux autres, ça va être bien. Take it a sip. C'était Los Campesinos. Los Campesinos. C'est bon. C'est excellent. Oui. C'était un des coureurs de la semaine il y a quelques temps. Ouais, environ un mois, je pense. Hein? Environ un mois, je pense. À peu près un mois. Justement, ça fait 7 semaines que c'est sur le palmarès, donc ça fait potentiellement plus que 7 semaines. Ah, bon, sûrement 2 mois. Avec la pièce We Throw Parties, You Throw Knives, qui était le numéro 1 anglophone la semaine dernière, c'est maintenant le numéro 5, donc on a un nouveau numéro 1. C'est super excitant, ça. C'est vraiment le fun quand ça arrive. Je me demande, ce serait pas, ça pourrait être, on a des choix, là. Ça pourrait être peut-être Klaxons, peut-être Megadeth, Metric, The Answer. J'aimerais donner un indice à nos auditeurs. Un indice, arrête-moi ça. Tantôt, on parlait des top 3 des disques canadiens et des top 30 des albums. C'était la même position pour les deux numéros 1. Mmh. Et c'est encore le numéro 1. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? C'est ce qu'on verra tantôt. Est-ce vers que vous suivez? 8h moins 10, à peu près. À peu près. Ouais. Ou 17h moins 10, à peu près. Ah, ben oui. Ah, pendant, oui. Ah, oui. Du côté francophone, juste avant, c'était le numéro 5. Qu'est-ce que c'était? Oui, c'était Les Ghouls avec Dimanche. Ton groupe préféré. Ouais. Mais je m'habitue. OK. Sais-tu, je m'habitue. On sait c'est le groupe préféré de qui, par contre? Ben, peut-être pas son préféré, mais notre ami Kiwan de la dernière porte à gauche qui nous suit à 20h le vendredi, il adore Les Ghouls. Ouais. Et on va l'avoir tantôt pour placoter avec lui. On va placoter un peu. Ouais. Mais nous, on a encore pas mal de choses à faire d'ici la fin de l'heure qui est en cours. On s'en va entendre les 4e positions. Du côté anglophone, c'est The Klaxons avec Two Receivers qui remonte de 2. Et côté franco, c'est Air avec avec Mère du Japon. On se croirait dans le jungle. Ouais, presque. C'est comme un beat. Jungle beat. Ouais. Jungle beat. Jungle beat. Au palmarès, c'est fou au 89.1. Jungle beat FM. Jungle Beat FM. C'est singe FM. C'est banana. C'est banana. Je vais vous laisser écouter Mère du Japon, ça. Avec la mère du Japon ou même, je dirais, mère du Japon, c'est pour faire simple. L'ancien numéro 1 francophone. Oui, ancien numéro 1, ce qui veut aussi dire qu'on a un nouveau numéro 1. Oh, plein de surprises! Ouais. Tout de suite, voici le numéro 4 anglophone de Klaxons. Avec Two Receivers. Au palmarès. C'est fou, 89 FM. De Klaxons. Et non, Mathieu, ça ne parle pas de Parc Safari dans la touche. Non, mais je suis sûr, pourtant. Moi, j'entends un paquet de paroles dans ça. Alors, on dirait les hallucinations auditives. Ouais. Toujours intéressant, ça, les hallucinations auditives. C'est toujours très amusant, je dirais. C'est vrai, il n'y a pas d'hallucinations visuelles, vraiment, par exemple, dans les vidéoclips, par exemple. Ça pourrait être la fun de chercher des définitions cachées à tout ce qui se passe dans les différents vidéoclips originaux qui en ce moment, sont pas du tout toutes pareilles, les vidéoclips qui, en ce moment, sont tous très, très différents. Ouais, surtout les vidéos de chanteuses pop. C'est là, ça. C'est le rap. Ah oui, ça, aussi. Toujours très, bling, très bling, là. Ah ouais, c'est... Il n'y a aucune recette miracle là-dedans. Non. super chunky. Donc, on est rendu, ça, c'est le numéro 4. Oui, c'était le numéro 4 anglo. Et juste avant, on avait entendu Air avec Mère du Japon. Mais on en avait parlé ici tantôt. C'est l'ancien numéro 1, ça. Oui, absolument. Ça veut dire quelque chose de nouveau. On l'avait tout. On se répète au bout. Ouais. On dirait une tune pop encore. Ouais, c'est ça. C'est comme du réchauffé. Moi, Mathieu, c'est juste du réchauffé. C'est juste ça. On est une gang de réchauffé. Ben, c'est ça, ça fait du bien d'être enfin live avec vous, Palmarès. C'est fou parce que depuis quelques semaines, c'est des palmarès de 1969 qu'on passe. 69. Ah, ouais. Bon, oui, 69, c'était une belle année, ça. Des émissions vintage. T'sais, l'été 69, là, moi, je trouve que c'est une belle année. Summer of 69, c'est ça. Un film, un livre, une chanson, c'était quoi ça? Une tune de Bryan Adams. C'est ça. On est rendu au numéro 3, on avance très très tranquillement, pas vite vers la fin de notre émission. Si on a le temps, on va passer quelques vieux classiques. Il nous reste, ça me tente de peut-être passer tantôt du Dead Cab parce que j'adore Dead Cab Procure, c'est un de mes groupes. Mais tout de suite, on s'en va à nos numéro 3 du côté anglophone, c'est The Answer avec Under the Sky, précédé de... La loi des cactus avec Babylon Resistance Sound System. Au palmarès, c'est fou, l'émission de demain. Aujourd'hui. Au 89.1 FM. Ouais, ben c'est pas mal ça. Hein? Subir le bouton par la gauche. Ouais, c'est comme au début. Au début de votre radio. Ouais. Comme en 69, dans le fond. Musique venir vers toi. Entends-tu le message que transporte notre voix? Si tu te sens seul, prisonnier de tes questions, alors laisse tomber le stress et accepte notre invitation. Car autour de nous, il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens lancer avec le Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You bet you want sunshine in all them life. You bet you want more loving in their life. Because we are fight by the side in the light. They do them all more loving in the light. Yeah, them all right. We not in the gun because we are fight by the side. Eat up every day, one treat we like proof. So my way hungry while you pocket them both. Kick back and I relax while out your life tough. Babylon your schemes we've had enough. Fight for your rights, otherwise nobody now go be you them. Yeah, stand up and fight. You won't hear me, me ready not sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. cross right upon his land. He said the travesty is the future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Avec Under the Sky, la position numéro 3 de notre top 15 anglophone. Oui, mais juste de, avant. Je m'en ai dit du top 5, mais c'est aussi le top 5 de la troisième heure. Mais c'est le top 15. En fait. C'est le top 10 des deux dernières heures. Ouais. C'est le top 30 de toutes les pièces qu'on a jouées. Non. Ouais, c'est aussi le top 12 et demi okay. de la première heure et demie. C'est le top de... On arrête cette joke-là. Ouais. top ouais, chrono. Ouais, c'est pas mal vrai. Juste avant, c'était du côté francophone, la troisième position, la loi des cactus avec Babylon Resistance Sound System qui remonte de 3 positions. Ça fait 7 semaines de présence. Leur album est éponyme. Ouais. On est rendu à nos numéro 2. Numéro 2, oui. Anglo, franco pour commencer. Franco. Franco, on va aller entendre la Baroque Machine avec leur pièce Robot Academy. Tu sais que c'est très bon, ça. Qui est une remontée de 2 places depuis la semaine dernière. Et juste après, du côté anglophone, ce sera Megadeth avec À tout le monde, qui était en 5e position la semaine dernière. Ouais, absolument. Cherchais quelque chose à dire. Moi, je pensais qu'il était du côté francophone. J'étais sûr que Megadeth était du côté francophone, hein? Pour vrai. Ben non. Il a peut-être changé d'identité. C'est comme les Simpsons, à un moment donné, ça. Ils s'appellent les... Baroque Machine avec Robot Academy, ça a rapport avec quelque chose. Il me semble qu'ils ont changé de nom, ils ont changé de ville, puis ils ont refait le générique, genre c'était comme les Simpsons, je sais pas trop. Ah bon. Si tu le dis. Jusqu'à la dernière porte à gauche, vous écoutez les Palmarès C'est Fou 89.fm. Ouais. I'll send me free. Megadeth avec À tout le monde, la deuxième position. À tous mes amis. À tous mes amis. These are the last words. Donc, la position numéro 2, c'est-à-dire montée de 3 places pour leur album qui s'appelle A United Abominations. Effectivement. Donc, ce qui nous laisse à notre numéro 1 qu'on va voir bientôt. Tu veux pas dire qu'on a entendu la Baroque Machine? Oh oui. Robo Academy, c'est tellement bon. Remontée de 2 places même. Ah ben oui. Numéro 1 la semaine prochaine, je pense. Peut-être. À moins que l'artiste qui est présentement numéro 1 reste là. Reste numéro 1. L'été, ça arrive très souvent que les artistes restent plus longtemps qu'une semaine, alors que l'automne et l'hiver, un artiste passe une semaine d'habitude au numéro 1 et redescend ensuite. Mais je crois que le numéro 1, que je ne dirai pas qu'est-ce que c'est. Non. Je pense on va l'appeler que... Bob. Mettons quoi, son surnom, mettons ouais. Bob. Ouais. C'est purement spéculatif. Disons. C'est fictif. Ouais. C'est comme les Thompson. Ah ouais, oui, c'est ça. J'ai trouvé c'est ma réponse tantôt, je t'ai interrompu complètement, par exemple. Ah, c'est pas grave. Ouais. Je disais tantôt, les Simpsons, il y avait un épisode où ils doivent changer d'identité parce qu'ils sont dans le système de le programme de protection des témoins. Ils déménagent, l'épisode s'appelle Cape Fear et leur nom, c'était les Thompson. Ouais. J'ai été chercher sur Wikipédia. C'est ça a pris beaucoup trop de temps. Wikipédia. Beaucoup trop de temps pour une information aussi inutile à avoir. Ah, mais c'est pas grave. Alors oui, effectivement, on avait entendu la Baroque Machine. Et puis, il fallait dire que celui qui est numéro 1 présentement, qu'on avait surnommé Bob pour l'occasion, d'après moi, ça a des chances de rester numéro 1. Je pense que oui, la toune est tellement accrocheuse. Ouais. Vous allez l'entendre tantôt si vous l'avez jamais entendue et vous allez l'avoir dans la tête. Moi, c'est sûr. Et ailleurs, sur votre corps. Ah! Oh! C'est comme un lien subtil parce qu'on sait pas encore c'est quoi. Ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle. Ceux qui savent pas, savent pas. Maintenant, on a quelques minutes de libre pour faire un petit mini-bloc en haute définition. On passe encore quelques vieux classiques de C'est fou depuis les dernières années. Cette semaine, j'ai choisi deux groupes. Oui. Deux, je dirais, bands. Ouais. Hein? Un qui s'appelle

Deathcab for Cutie avec Soul Meets Body. Et voici le numéro 1 anglophone, Metric et Grow Up. And Blow Away au palmarès, c'est fou. 50-50, on en prend, on en laisse, on en prend trop, on en piète trop longtemps. On finit par se rendre au même résultat. T'arrives au drapeau à la fin, pareil. Il y a un peu d'artifice. Mario, non? Ah! Avec le numéro 1 anglophone Grow Up and Blow Away qui remonte d'une place, c'était notre numéro 2 donc la semaine dernière, sixième semaine de présence. L'album s'appelle aussi Grow Up and Blow Away. C'est déjà presque la fin des palmarès, c'est fou pour cette semaine. Il nous reste le numéro 1 francophone, mais avant, comme à chaque semaine, j'accueille Kiwan de La Dernière Porte à Gauche, l'émission qui nous suit le vendredi soir pour parler de ce qui s'en vient. Salut Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe ce soir à l'émission? Ben, ce soir, à l'émission, il va y avoir, entre autres, Mimi Van Der Glo, groupe de Trois-Rivières, qui sont en spectacle demain à l'Embuscade, puis ils vont être avec nous autres dans quelques minutes, en fait, au début d'émission, pour une entrevue avec Mimi Van Der Glo. C'est live. Et en musique? Ben, en musique, il va y avoir du Polype, du Fleur d'Assaut, il va y avoir du Mimi Van Der Glo, puis plein d'autres trucs francophones qu'on aime.